problème, nous avons un 100e podcast! Oh! Bravo! Bonjour et bienvenue à Pas de problème, la 100e balado. Ici Frédéric Varouchier en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred, pour la 100e fois. Jean-Philippe Durand. Salut Fred, salut Antoine. Salut vous deux. Salut. Et salut. Mathieu Bouillon. Salut un, salut deux, salut trois, salut quatre, salut... Oui. Et salut à notre public en délire. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ah. Il capote. Hey, 120 personnes. On est presque capable de nommer. Ça fait du presque. C'est inquiétant. Alors, comme la dernière fois qu'on a fait des enregistrements live, on a pris des problèmes directement. Ah, on répète notre erreur. Oui. C'est cool. Oui. Mais tout juste avant de commencer d'aborder le problème, j'aimerais inviter les gens à nous envoyer d'autres problèmes par courriel. Oui. Sinon, pas de problème... @gmail.com. Sinon, sur notre page Facebook. Oui. Pour les 8 personnes qui sont sur Google+, parle aussi. Ainsi que... quoi? Oui, mais par courrier conventionnel aussi, il n'y a pas de trouble. C'est quoi l'adresse? 822 Boulevard Saint-Joseph. Hein, quoi? Ben, enverrons. Quoi, ils vont m'envoyer adresse. Une bombe, Frédéric? Ah, ils vont aller sonner? Ah, ouais? Alors, ben oui. Ils n'oseraient pas? Ben moi, je le fais tout le temps. Tu me réponds. Alors, non, mais continuez à nous envoyer vos problèmes et allez-y, là, des problèmes personnels, on veut ça. Et je pense qu'on est ouvert aux disputes aussi. Oui. Hein? Les disputes qui durent depuis longtemps, les disputes familiales, on entre amis. On peut régler amis, ça, oui. De collègues. Tu sais, Fred, il y a quelque chose que les gens se demandent souvent, puis c'est savoir si nous, on juge les problèmes. Oui. Puis nous, on ne juge pas les problèmes. Non. Merci. On écoute, mais on ne juge pas. On est tellement occupé à se juger entre nous. Depuis quand nous exclut la personne qui parle? Oui. Mais j'aimerais vous annoncer qu'à partir de la 100e balado, oui, nos problèmes, nos balados, nos problèmes sont sur la table, mais nos balados seront en ligne le vendredi matin. Oh! Hein? Un engagement si ferme. Possible. Alors, non, mais d'habitude, c'est vendredi, mercredi soir, jeudi matin, mais là, tu sais, on va se donner un peu de luxe. C'est donc, votre fin de semaine commence avec pas de problème. Mm-hmm. Hot! Yay! Alors, Jean-Philippe, le problème? Oui. Avant, je vais retirer les flûtes. Allons-y avec un problème. Donc, je vous rappelle que c'est un problème live, messieurs. Donc, c'est un problème qu'on a pris ici, des gens qui sont devant nous présentement. Donc, voici le premier. Quand je prends le métro Attends. Est-ce qu'on invite la personne à nous poser son problème? Est-ce qu'elle est là, Marie? Marie! Ah, dis tu veux pas lui poser le problème? Je veux pas. Oh, non! Ah, une chance qu'on ait apporté des flûtes de chou. Ouais. Elle est gênée parce qu'elle a pas de char. OK, OK, parfait. Le problème, allons-y, là. Le problème. On ne sera pas à nuit ici. Quand je prends le métro le matin, je ne peux en prendre qu'un sur trois. Comment régler le problème, Marie? Oh! Oh, mais je suis content qu'on pose la question. Oui. Mm-hmm. Il y a un excellent livre qui s'appelle « Pourquoi les autobus arrivent par trois? » que je vous conseille, qui pense... Hein? Oh, là, ça devient sérieux. Qui parle de plein de phénomènes mathématiques qui nous entourent. Il en va de même pour le métro. Malheureusement, c'est un phénomène qui va être difficile à éviter. Aussitôt que les métros partent de façon espacée égale, ça part. Aussitôt que le premier métro a un petit peu de retard, il y a un petit peu plus de gens qui embarquent, il y a des gens qui s'accumulent dans les stations suivantes. Ouais, ouais. Et donc, le deuxième métro le rattrape nécessairement. Okay. Et ainsi de suite. C'est plus compliqué que ça, mais enfin, vous pourrez trouver des explications. Contrairement à un autobus, il ne peut pas faire dépasser. Il ne peut pas doubler, évidemment, donc il reste en arrière. Une des façons de faire ça, c'est de ne pas embarquer dans le métro. Oui. Ah, j'apprécie votre silence. Il ne faut pas qu'ils prennent de retard, il faut qu'ils soient stricts. Quand les portes ferment, même s'ils n'ont pas embarqué tout le monde, souvent, ils attendent d'embarquer tout le monde. Ça serait une façon relativement simple de faire. Non, moi, il faut que je parte. même s'il y a des gens qui attendent. Ou, mais en, tant que, en tant que passager, de faire, clairement, on se colle le long du mur, puis on fait, hey, nous, on n'embarque pas dans celle-là. On respecte qu'ils prennent son temps, puis ça va aller plus vite pour tout le monde. Mais il y a des autocollants maintenant écrits... Tu sais, si tu retiens pas, tu t'empêches tout le monde d'arriver à l'heure. Pis tout. Oui, oui, exact. Il y a ça. Oui. Mais toi, tu le sais pas. Oui, moi, attendez, je prends régulièrement le métro, mais quand pas, tu prends pas des Hummer limousine pour aller travailler normalement. T'as pas besoin. Toi, hey, pis ton Segway, Antoine. Je vous le dis, ça va changer le monde. Tout le monde va avoir un Segway. C'est pas parce que je suis tombé que ça marche pas. Qu'est-ce que c'est un Segway? C'est l'affaire deux roues, là. Ah, c'est pas la Sagouine, là. C'est la même chose. C'est la même chose. Ah, je vais pleurer. Ah bon, les flûtes de choux. Yeah! Ah, merci de remplacer le gars qui criait l'autre fois. Oui. Donc, ben... Yeah! Ouais... au Japon, il y a des pousseurs. Oui. Oui, oui. On voit ça sur YouTube, il y a des pousseurs. Ouais, ouais. C'est tellement bondé là, qu'ils font un... Ils poussent avec... Avec une espèce de balai, là. Un petit balai. Non, il y a un petit gant blanc, tout ça, puis ils poussent pour que ça rentre. On pourrait rentrer plus de personnes. Comme, le rack à jetons au Blackjack, là. Ça. J'avais pas cette image-là en tête. Oui. C'est le même qui pousse? Non, gros, ça... Gros balai ça... de concierge, là. Celui qui s'ouvre à... Hey, je comprends rien. Si je pouvais te voir, au moins, Frédéric, mimer la patente. Mais non, on a juste que du son. Mais pour une fois qu'on peut mimer aussi nos explications. Ah oui. Ben oui, exact. Bon, moi, j'ai des idées. Oui. Pousser les gens sur la voie. T'sais, souvent, là, on est trop poli. On est là sur la rame. Il y a plein de gens qui sont moins pressés que nous. Puis on daigne leur donner le droit de rentrer dans le métro quand on pourrait tout simplement les pousser sur la voie. Ça, c'est clair que ça va aller plus vite. Entre des wagons aussi, quand le... Ah oui, c'est encore plus... T'es sûr de pas te manquer, tu sais. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Il y a quand même beaucoup de suicides dans le métro à Montréal, donc la STM. Moi, personnellement, je suis persuadé que c'est à cause du manque de climatisation. Mais j'ai peut-être tort. Mais c'est ça, selon... En tout cas, selon des certaines informations que j'ai ici, ce serait une des villes où il y aurait le plus de suicides, même, dans les transports en commun, dans le monde entier. Arrête! Oui, c'est ça, exact. Donc, si jamais... c'est une solution pour toi, Marie, je pense, faire passer ça sur le dos d'un suicide, pousser quelqu'un tout simplement et dire « Ah, cette personne-là était désespérée. Ouais. Je la connais même pas, puis elle m'avait raconté ses problèmes de jeu. Donc, je l'ai juste poussé tout simplement sur la ligne verte, comme ça. » Ça va faire qu'elle va plus vite. Mais ça, non, mais ça passe dans les statistiques, ça fait moins de monde qui entre en même temps. Ouais. Ah, OK, je comprends. Puis, tu sais, voilà. Tu peux même dire qu'elle s'est suicidée à cause des couleurs ternes de l'environnement du métro, tu sais, fait que ça pourrait être aussi amélioré. Mais il y a toujours prendre le métro, ben, essayer de calculer, je sais pas où tu prends le métro, Marie, mais... des fois, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'endroit où t'es, les gens ont l'habitude de pas se déplacer sur le quai, mais juste de rentrer directement d'où ils arrivent. Ouais, ouais. Donc, où t'es rendu, des fois, il y a des petits spots où il n'y avait pas d'entrée ou de sortie. Me suivez-vous? Oui, très, très bien. Parce que moi, j'ai de la misère. Et... Ben, faut que tu connaisses toutes les stations de métro, c'est ça. Ouais, toutes ouais, les c'est entrées ça. De métro pour savoir. Là, tu dis... Le troisième wagon. Ouais. Mais moi, tu es jusqu'à Jarry. Il y a personne qui en parle. Moi, je me place à l'endroit où je vais sortir. Ouais, pas ça, l'endroit sais. Où je rentre. Oui, merci. Ouais. Le gars de chippé en avant ici, dans ma gauche. Ouais. Yes! La fille, pas de brassière. Ouais. Alors, qu'est-ce que je dis? Tu sais, vous rappelez-vous, il y avait des rumeurs aussi que le premier wagon, c'était le wagon des célibataires. Hein? Quand ça? Oui. Vous aviez pas jamais... Moi, j'avais entendu ça, là, que le premier wagon, c'était le wagon rencontre. Mais tu te trompes avec si le wagon, c'est... tu peux entrer ta bicyclette. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça, ouais. Je voyais là une métaphore. C'était le code, oui. Rentre ta bicyclette. Guidon et guidoune. Pourquoi on s'entend pas là-dessus à partir de maintenant? C'est le wagon des célibataires. Écoute, tape ça. J'ai pas rêvé ça. Là. J'ai déjà entendu. Deuxième wagon. T'as passé dans le premier wagon. Oui. Ah. Wagon célibataire. L'âme sœur. OK, ça me pointe ça déjà. Ça réglera peut-être rien, mais le premier wagon, la gang, là. C'est pour les célibataires. Fait que les gens vont peut-être... il va peut-être avoir plus de place parce que les gens vont se coller. Oh! Ouais, dans le wagon de célibataires. Ça va se frotter. Le deuxième wagon, ça pourrait être pour... Fourré. Je l'ai dit. Non, mais... Pour les fins, vilez-vous. Cela dit... C'est terrible, ça va pas bien. Je reviens sur ton point, Antoine. Tu disais que toi, tu te places où tu vas sortir. Exact. Là, tu prévois où tu vas sortir. Mais là, si on pense là, que tous les wagons sont pleins, tu essaies de trouver celui qui va dans lequel tu vas avoir un peu de place. C'est sûr. Ben, c'est souvent les queues et les têtes de train, non, qui sont les plus... Souvent, c'est ça. Ouais. Mais j'imagine que ça dépend de la ligne aussi, Marie. Ça dépend de la ligne que tu prends. Parce que c'est sûr que la ligne orange, ces dernières années, est très populaire avec... le plateau Mont-Royal, des femmes avec des paréos, des sacs de la maison du rôti, tout ça. C'est sûr que c'est des choses qui prennent... C'est meilleure blague. Toujours la même blague. Non, mais check, c'est fait. Ça prend la place en métro. Pour aller travailler. Oui. Métro Laurier aussi, le Myland, des manteaux de fourrure... Des grosses lunettes. Oui, des grosses boîtes pleines d'épices rares. C'est dur aussi. Ça prend énormément de place. C'est quoi ta station de métro, toi? Moi, c'est Parc. Fait que le métro des hipsters? Des paquis, des coquerelles... non, c'est pas vrai. Mais, tu trouves quelqu'un qui travaille au même endroit que toi. C'est ça. Qui embarque plus tôt avec une poussette. Ah. Il a sa place. Quand tu te pointes, il ferme sa poussette. Ou tu t'assois dedans, je sais pas votre relation. Si vous êtes dans le premier wagon, ça peut virer. Sinon, hop, t'as ton espace comme de réservé. Tu sais, un petit bébé gonflable, là, personne s'en aperçoit. Une poussette, tu fermes ça, bonsoir. Non, parce qu'ils font ça, des places, là... des grosses villes où ils obligent des gens à faire du covoiturage. Il y a soit des gens qui font du pouce avant de passer les contrôles puis qui débarquent après et qui se font payer 5$. Ou littéralement des poupées gonflables pour pas se faire arrêter. Oui. Fait que t'as ton partenaire qui est au début. Lui, il va ramasser 6 personnes de sa gang. Il est avec 6 poupées gonflables dans le premier wagon. Tranquille. Puis à mesure que le monde embarque, mais il dégonfle. Ça peut être ça. Puis hop, quelqu'un prend sa place. Oui. Il y a l'effet... Oh, une autre affaire de résolu! Il y a l'effet liquide lave-vaisselle où, tu sais, tu te mets un manteau qui pue. Hein? Oui. Là, tu t'insères vraiment là, collé sur les autres. Puis là, ils vont... elle pue donc bien. Là, ça laisse un peu de place. Un peu comme quand on met du savon à vaisselle dans le gras. Tu sais, dans l'eau, ça fait... Mais toi, ton savon à vaisselle, il pue? Oui, c'est ça que je me demande. Ouais. Puis c'est scientifique, ça s'appelle comme ça, c'est l'effet liquide à vaisselle. C'est ça? Ah. On juge pas. Oui, non, on ne juge pas. Ben, j'avais, pour faire du chemin sur ton idée, moi, je proposais un manteau avec des grosses toddes. Mais tu sais, des grosses toddes là, qui font mal. Ben, pour faire du chemin sur ton idée, un manteau de steak. Qui pue? Non, mais les gens veulent pas se coller sur un manteau de steak. Un manteau en feu. Tre? Tre? C'est lettre un manteau de feutre. Ben, le monde se tasse. Ouais, le monde se tasse. OK, ouais. Fait que... Il y a la talle du manteau. Non, mais il y a quand même... plaisant. Je parlais du Myland tantôt, mais il y a des manteaux de fourrure vivant aussi dans le Myland, là, qui est littéralement un ours... OK. Reste que, généralement, je pense que l'espace dans les wagons de métro à Montréal n'est pas utilisé à son plein potentiel. C'est que ça, c'est vrai. Si tout le monde travaillait fort, apprivoisait son sac... Oui. Merci. Se tasser un peu plus, on y arriverait drôlement mieux. Je vais plus loin que ça, Antoine. Tu parlais du Japon, mais en Inde, tout ça, il en rentrerait du monde. Là, il ferait, il y a tellement de place dans le métro vrai. Ici, Antoine, le matin... C'est génial. Il embarquerait sur le dessus du métro. Ah, regarde, le gars qui a un coat en steak. Ouais. C'est ça, je voulais dire. Il y a souvent un bon 3-4 pieds en haut de nos têtes. Ah, facile. Si on apprivoise la suction, là, hein? Puis le matin... C'est un vrai mot, ça aussi, hein? Les scientifiques parlent la de... si tu donnes des solutions, je vais peut-être pouvoir te baver, moi aussi. Ben, j'en ai une, justement, qui est pas pire. Hey, les gars, il y a de l'alcool. Attends, il parlait de tension, sucer, là. C'est la centième. Oui, non, excuse-moi. Des regrets après ça. Est-ce qu'on a des solutions ailleurs? Mais on parlait vas-y, souvent... Vas-y, Jean-Philippe. Ben oui, ben, la situation, les messieurs, vous me direz si j'ai tort. Le trafic intelligent, on en parlait l'autre fois... en voiture, de dire de partir à une heure différente ou de commencer à 5 minutes d'intervalle, que pas toutes les compagnies en même temps commencent soit à 8h30 ou à 9h, ou de réussir à étaler ça, de dire, vous commencez à 9h10, vous à 9h20, 9h30, ce qui changerait pas tant que ça, j'ai l'impression, les journées de travail des gens, ça pourrait changer d'environ 40 minutes la journée, mais ça ferait qu'à chacune des heures, le trafic humain serait moins gros de 75% en soi. Il y aurait toujours beaucoup de monde. Ouais. Il y aurait toujours beaucoup de monde, mais il y aurait toujours acceptablement beaucoup de monde, j'ai l'impression. Ouais. Ça serait moins pire qu'à 9h, qui est la pire heure au monde, Prendre le métro à 9h-20, je ne sais pas si vous le faites. Tu meurs, c'est pas le fun. T'as chaud. Ouais. Je ne peux pas sortir à soir parce que à ma job, je travaille de 2h10 à 10h20. Oui, c'est ça. J'ai le mauvais chiffre cette semaine. Je fais 5h-15 le soir à 3h du matin. Ouais. C'est épouvantable. Mais il pourrait y avoir pour vrai des wagons express à Montréal. Je pense que, tu sais, ça se pourrait, mettons, Honoré-Beaugrand, Pinneuf, tu sais, okay. Papineau, Berry-UQAM. Qui ouvre pas? Oui, il ouvrirait pas, il ferait fium. Fait qu'en plus, il rattrape le métro d'avant, à un moment donné. Ouais, mais il l'aiderait à aller plus vite, au pire, tu sais. Il pousse, disons. Il pousse, comme les gens sur la voie. Tu sais. Puis t'as le chauffeur dans celui-là qui a un klaxon. Ouais, de même, là. Le métro fait un peu un jump, puis tape des pieds sur le côté. Youp! Ouais, j'aimerais ça. Il y a des villes qui ont adopté des systèmes entièrement ordinés. Mm-hmm. C'est ce qu'on dit quand c'est organisé par un ordinateur? C'est donc ordiné, un robot qui dit Frontenac, c'est ça? Comment? C'est un robot qui dit Frontenac. Non, mais essentiellement, qui, avec des caméras, détecte le nombre de personnes qui attendent et où, le flux de personnes, les wagons, comment ça va, puis qui ajuste au fur et à mesure. C'est bon, quand même. Les wagons, la vitesse des wagons, l'horaire. Donc, c'est plus géré à l'avance. Il s'adapte. Imagine. Donc, en théorie, pour que ta moyenne soit toujours la même, peu importe le temps de la journée, ben, t'attends toujours un temps semblable. Mm-hmm. Oui. J'ai eu... Ah, oh, t'avais une idée, frère? Non, mais j'avais des solutions. Moi, j'ai une vraie solution qui est bonne, là. Tu sais, le but, dans le fond, ça serait qu'il y ait plus de métro fréquemment aussi, tu sais, pour attendre moins, tu sais. Juste un long métro. Rien. Parce que c'est ça, le problème. Même si tu mets plus de métro, parce qu'il y a un métro qui ralentit à un moment donné, il y a du monde qui s'accumule. Un long métro. Ah, mais comme qui s'arrête jamais. Les portes sont ouvertes comme un tapis roulant. Non, pas comme oui, ça. Oui, on l'a, c'est comme un tapis roulant. Ben il avance, oui. Il avance d'un wagon. Il fait... Ah, mon Dieu, tout le temps. Oui. Ouais, mais c'est long, là. Ouais, mais c'est... Non, mais c'est pas pire, pour vrai. Ou il y a un wagon de lousse. Ça fait... Poup, poup, poup, poup. T'as l'impression d'aller vite, mais tu vas pas vite. Mais hey, toujours est-il ma bonne idée qui était bonne, là. Mettons, ton but, c'est de faire quelque de plus de fréquences de métro. Tu pourrais acheter et trouver d'autres amis qui feraient ça, acheter, mettons, 5000 cartes opus par toi-même. Fait que tu fausserais les données de nombre d'utilisateurs. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça te revient cher, mais t'attends peut-être un 40 secondes de moins à tous les matins, tu sais. Jean-Marc, oh! 5000 ou rien! 5000 ou rien! Hey, on va aller sur Twitter, messieurs. Ah ouais, donc. On a Éric Richard, qui est juste devant nous, qui nous a tweeté. Quand est-ce que t'as fait ça? Toujours embarqué au terminus, quitte à prendre un taxi. Ah oui, tout le temps. Mais là, maintenant, il faut aller à Laval pour... c'est une solution. Non, mais je suis d'accord avec toi. Là. C'est juste qu'ils nous ont encore... Mais toi, Fred, qui a longtemps dormi au phare en Grignon dans ce temps-là... Non, j'étais à Montréal, non. Okay. Jonathan Bob Savoie, qui est aussi dans la salle, je pense. Alerte à la bombe. Tuer les passagers, prendre un otage, solution classique, pas de problème. C'est vrai, on avait oublié ça. Sinon, Pascal Gauthier qui a écrit « Attendre car tout ce qui bonde finit par débonder ». Oh! Là, hashtag, on parle de transport en commun, là. Nice! Et sinon, on a aussi... je sais pas c'est quoi son nom. Cote Grégoire. Qui est travailler à la maison, partir 3 semaines à l'avance, partir plus tard, ne pas travailler. Oh! Mm-hmm. Ah. Puis est-ce qu'on a des choses sur Google+, Fred? Un avis de fermeture. Ou un ballot de foin qui roule? Juste un instant. Ah, vérifie pour vrai. Non, je vais pas vérifier. Mais ce serait drôle parce que je suis sûr que quelqu'un dans la salle pourrait mettre quelque chose sur Google+. Alors, bon... Voilà, c'était les solutions Twitter. Merci, hein? Merci de participer pendant nos enregistrements, dis-je, qui ont lieu habituellement une fois aux 4 semaines. Oui, en huis clos, exact. Mais là, devant public. Avez-vous une solution préférée, là, qu'on termine ce pire centième, non? Attends, c'est pas... Voyons! Hein? Ben moi, il me restait une solution qui implique des lames très coupantes. C'est qu'on met des lames très coupantes dans les portes de métro. OK. Les gens auraient plus peur, tu sais, d'entrer. Fait que, tu sais, toi, tu sais sais, tu serais téméraire, là. Pas une lame coupante qui va m'arrêter sur terre. Mais avec ton manteau en steak. Là. Oui. Ben oui, tu te fais une petite bavette, là. On parlait d'express tantôt, mais ce serait peut-être un peu coûteux, mais diviser les rames en deux, hein? Oui. Et là, on a des demi-métros de largeur. Ah. Puis là, quand tu rentres dans le premier, c'est celui qui s'arrête plus fréquemment. Puis l'autre va plus vite. Puis l'autre, des fois, il match la vitesse. Puis ouais. Là, tu peux traverser, puis il continue. Ah, mais c'est génial. Il pourrait avoir des jumps. Tu sais, à un moment donné, là, il a un très bondé en avant. L'autre en arrière accélère. C'est le fun qu'on ne te niaise pas en ce moment. Il y a une rampe, et là, il saute. Oui. Puis il replonge dans le métro. Mais t'as pas vu, à l'aéroport, à Paris, où il y a justement deux tapis roulants, un qui va plus vite, puis un moins vite. Oui, non, absolument, je trouve ça très bon. Ouais. Ouais. Mais il n'y a pas de jump. OK, moi, je dis une niaiserie, tout arrête. Pas de trompette, rien. Non, on t'a dit des statistiques, Antoine. Oui. Okay. Ça se peut-tu comme un hover métro, là? Comment on dit ça? Hover the rainbow? Il y avait le hoverboard. Hoverboard dans Retour à la future. Avec un hover métro, là. 2015. Ah oui, mon Dieu, wow. Ben en fait, les trains, les monorails, c'est pas un peu de même aussi? Ceux avec des aimants. Suspension magnétique. Magnétique. Il y en a un qui s'est planté au Japon. Mais il y en a pas un qui c'est avec de l'air. Mais là, il va y avoir le tramway. Hein? On en parle de plus en plus à Montréal. Monorail. Qui va peut-être enlever un petit peu de congestion. Je te parle directement, parce que plus personne ne m'écoute. Ouais. qui va peut-être enlever un petit peu de congestion sur le métro, avec un peu de chance. Ouais. Les autobus express également. Qui pompent du monde, au lieu de débarquer les gens à la station de métro, se rendent jusqu'à Berry-UQAM directement, alors au lieu de te déplacer. C'est bon, ça, c'est une solution qui est quand même relativement agréable. Ouais. Également, là, il va y avoir des services de comme une auto, mais tu vas pouvoir prendre des autos électriques. C'est comme Bixi. Bixi? Non? Pixar. Genre, comme Bixi, mais avec des autos? Oui, c'est ça, Bixi, mais avec des autos. Ah oui? Il va y avoir des stations, des tu prends l'auto, bornes. Tu pars avec. Oui, oui, pour vrai, puis probablement électrique. Mais il y avait déjà eu des expériences tests de ça, non? Avec la publicité, il y a 2 ans, les autos à 1$. Oui, mais ça revient, là. OK, ça revient. Bon. Les autos jetables. Oui. Et en passant, messieurs, c'est dans le métro de Paris, c'est le dernier wagon, qui est le wagon des amoureux. Donc, c'est le premier, hier. Yeah. Non, aussi, mais là, nous, il faut les deux. Ben oui, c'est ça. Oui. Et tant qu'à parler de trivia plate, c'est la partie plate de l'affaire. Quand Retour vers le futur 2 est sorti en 89, il avait sorti un documentaire comme de quoi les hoverboard existaient. C'était Mattel qui avait fait ça. Une fausse publicité. Puis eux, c'était comme un gag. Mais tout le monde, les enfants qui écoutaient le film et tout ça, pensaient que c'était vrai. Donc, ils n'ont jamais reçu autant de lettres. Ils en ont reçu pendant 5 ans. My God. Sans arrêt. Des lettres. Je veux un hoverboard. Incroyable. Et ils faisaient comme si c'était une conspiration du gouvernement. Pourquoi c'était pas sorti? Donc, des fois, quand on fait des jokes, il faut pas la pousser aussi loin. C'est vrai. Comme, OK, bon, on fourre pas dans le deuxième wagon? Non, c'est non. Ça. OK. Exact. Rencontre dans le premier et dernier wagon. D'accord. Le vélo? Ah, viens pas, prends pas le métro avec ton vélo. Pédale? Ah, ton voileau! Le voileau! Le voileau! C'est pour monter la côte Berry! Le beau voileau. Oui. Vélo à voile. Faut écouter les épisodes passés. Ben, moi, j'ai une solution préférée cette tempête de cerveau. Ça reste ma solution personnelle. Moi, chaque matin, je prends le métro avec une moufette qui pète. Yeah! Une moufette qui pète. Ah, OK. C'est la centième, ça. C'est notre centième. Oui. C'est un best-of. C'est à moi, mais je veux pas passer après Mathieu. Sincèrement, on pourrait, ici, maintenant, tout le monde ensemble, améliorer la situation. Si vous voyez que le métro est très plein, embarquez pas. Reculez d'un pas, le conducteur va comprendre que vous embarquez pas, mais va continuer son chemin. C'est quand il commence à avoir du retard qui cause tout le problème. C'est plus l'autobus, non? C'est la même chose avec les métros, les autobus, les tramways, tout ce qui embarque des gens et qui part de façon décalée à l'heure juste. Mais ils sont obligés de s'arrêter dans le métro. Non, mais ils arrêtent, mais ils attendent que le monde embarque. Alors, le 3 minutes que ça prend de plus parce qu'il y a 6 personnes qui veulent absolument embarquer dans ce wagon-là, c'est là qu'il y a des gens qui s'accumulent après, puis les métros d'après arrivent. Il est relativement plein, tu recules, il ouvre les portes, il y en a 2-3 qui sortent, 2-3 qui rentrent, il ferme, il s'en va. S'il ne prend pas la minute de plus à chaque station jusqu'à Berry-UQAM, on va, dès maintenant, améliorer la situation. OK. Merci beaucoup. Marie, selon moi, pousse fort. Puis, ça, c'est en attendant qu'on change ça pour des glissades d'eau! Yeah! Là, on pourrait prendre le voileau, là, ça serait bon. Ah ouais. Non, mais... Vas-y, Jean-Philippe. Ben, il y a une réponse qui a été dite deux fois. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. C'est le métro qui saute par-dessus l'autre. Fait que je pense que ça va de soi, vu que ça a été dit deux fois. Mais et aussi, Marie, autre solution qui n'a pas été dite, mais si tu voyages nord-sud, il y a le train de banlieue. Sans blague, si tu vis pas trop loin de là, qui prend environ 8 minutes puis qui s'en va directement à... Bonne aventure. Fait que ça fait sauter quand même assez rapidement. Là. Ça coûte plus cher, mais c'est vraiment rapide. Puis il n'y a personne dedans. Tu es bien assis. Je connais quelqu'un qui dit que ça fonctionne. Ça fonctionne, ça prend vraiment pas de temps. En plus, 15 minutes, avec des personnes âgées podcast. Qui le prennent. Ouais. C'est un beau voyage. Tu peux lire. Ouais. Et, mais moi, je suis curieux. Parce que là, on a les gens dans la salle. On veut savoir ta solution préférée, Marie. Non, elle a été choisie. C'est nos réponses qui sont plates. C'est notre faute si c'est plate. Après, c'est la meilleure solution. Notre centième était... Bon, mais on va dire que c'est la 101e, celle-là, puis on reprend le centième. On peut faire ça. Non, c'est la centième. Ah, ouais! Bonne fête, pas de problème. Bonne fête. Continuez à nous écrire. Allez sur iTunes, écrire 5 courriels. Ouais, donnez 5 courriels. 5 courriels. Vos bons commentaires, vous les écrivez sur iTunes Store? Oui, des commentaires comme j'en ai ici. Mais pas tout de suite, Mathieu. Okay. Les commentaires constructifs, vous le faites sur notre page Facebook. Et voilà. Donc, d'ici... Ah oui, on va faire un petit extra, mais séparé. Séparé. Tantôt, on s'enregistre une nostalgie, pas de problème. Mais d'ici la 101e balado... Vous avez un problème! Nous avons un podcast.